la chance de prendre sa revanche. Rentrer à la maison, embrasser ses parents pour arrêter le temps, juste un instant. Alexandra, pour se dire ô combien la vie est importante et insolente, pour les soucis de cœur, imaginez des fleurs et leur parfum. Pour les coïncidences, encore une autre danse et des frangins vibraient avec l'espoir. Tout avec lui dit boum. Quand notre cœur fait boum boum, ah, boum boum boum, je n'entends que boum boum boum, boum boum boum, boum boum. Arc-en-ciel. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. donc après tout simplement Underway avec What is Love, voici donc Corona et puis suivi du groupe collectif Métissé. My life. es la fiesta de la vida. Hola, hola, hola, canta conmigo fiesta, que vamos a bailar. Es la fiesta de la vida. À tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Des contes, des légendes, des provinces de France. Des coutumes, des traditions de la période de Noël. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la table de Noël en France, dans diverses provinces de France, ainsi qu'à travers l'Europe. Il n'est point de fête sans un bon dîner. La gourmandise de l'homme n'a fait que croître et embellir depuis l'incident du paradis terrestre. Et les banquets du champ de Mars témoignent qu'en dépit des danses du ventre, des fontaines lumineuses et des feux d'artifice, les joies de l'estomac, supérieures au plaisir des yeux, restent aujourd'hui, comme au temps de César et Salambo, le clou des réjouissances nationales. De tout temps, aussi, le père de famille a tenu à réunir ses amis autour de sa table à certains jours de l'année. Et comme les fêtes religieuses occupaient une grande place dans la vie de nos aïeux, on comprend que chacune d'elles soit devenue l'occasion d'agapes intimes dont l'usage s'est conservé. Il n'est donc pas étonnant que la fête de Noël ait été célébrée dès l'origine par des festins exceptionnels. Et malgré la décadence de la foi, elle a laissé chez les différents peuples certaines traditions gastronomiques que nous allons découvrir. En France, en dehors du boudin, de la dinde, du foie gras, de la truffe et de ses accessoires, on peut citer aussi, dans les mets de Noël spéciaux à certaines régions de France, la daube languedocienne ainsi que la dinde de Noël Lucullus. Quelques racines aussi en Alsace de ces plats de Noël. Noël représente pour le pâtissier l'occasion de valoriser sa créativité. Si dès le XVIe siècle, dans les régions de la plaine du Rhin, la période autour de Noël a pris ses lettres de noblesse, massepain, petits fours et gâteaux abondaient dans le Christkindlesmarkt, le marché de Noël. Il fallut attendre le XVIIIe siècle pour qu'apparaissent brioches et kougloufs. Depuis lors, c'est l'eau à la bouche que l'on détache jour après jour les feuilles du calendrier lorsque se rapproche la période des fêtes. Les enfants sages, bien sûr, seront les premiers à déguster les Saint-Nicolas en pain d'épices ou en chocolat, et leurs goûters prendront la forme de jolis petits bonshommes briochés. Dans les villages d'Alsace, les pâtissiers vont se surpasser pour offrir aux yeux et au palais de l'heureux passant une gamme extraordinaire de délicieux chocolats, petits personnages en pâte d'amande, nougatine, pâte de fruits, fruits déguisés, marrons glacés et bien entendu la traditionnelle bûche de Noël. Jean Fichart, écrivain satirique alsacien qui vivait à Strasbourg au XVIe siècle, cite 53 fêtes imaginées par ses compatriotes pour avoir autant d'occasions de bombance. L'Alsace n'est plus un pays de festins comme à cette époque-là, mais elle conserve sa cuisine. Et l'on voit reparaître chaque année sur la table de Noël les plats traditionnels. La choucroute entourée de sa couronne de petites saucisses blanches et surmontée d'un morceau de lard fumé, le civet de lièvre accompagné d'un plat de nouilles, l'oie rôtie farcie de marron. Mais on tient surtout au fameux kouglopf et aux anisbrod, le pain d'anis de Sainte-Marie-aux-Mines, dont toutes les mères enseignent à leurs filles la préparation d'ailleurs facile. Tout seigneur, tout honneur pour Noël, c'est aussi le chocolat qui est à l'honneur. Le chocolat se distingue comme l'un des plus doux symboles de la gourmande tradition de Noël. Il faut pourtant savoir que sa participation y est plutôt récente. Ainsi, c'est sous forme de boisson que le chocolat acquiert ses lettres de noblesse dans l'Europe du XVIe siècle. Sa fabrication artisanale ne débutera qu'en 1761, avant de connaître son essor industriel au XIXe siècle, sous l'impulsion de marques devenues légendaires telles que Meunier, Van Houten ou Suchard. En Alsace, la confection de sujets en chocolat doit attendre les années 1870 pour voir le jour. En effet, les moules en bois ou en terre cuite utilisés jusqu'alors pour diverses spécialités gastronomiques ne convenant pas au travail si délicat du chocolat, il faut créer une toute nouvelle famille de moules. Des moules en fer blanc, parfaitement lisses, fabriqués par les artisans ferblantiers de la région sur le modèle du moule à lamelle, le mouton de Pâques. Le seul qui soit composé de deux parties, une technique inédite pour un parfait démoulage. À tout seigneur, tout honneur, c'est Saint-Nicolas qui, en 1880, apparaît le premier sous forme de sujet en chocolat dans les villages catholiques. Cela avant de se transformer progressivement en Père Noël, pourvu d'une physionomie plus débonnaire et d'un manteau de fourrure. Notons enfin que la fabrication très complexe de la pâte de chocolat, le monopole de sa distribution par les industriels de l'époque, puis sa rareté durant la Seconde Guerre mondiale, retardèrent considérablement la confection de chocolat par les artisans pâtissiers. Ce n'est que dans les années 1950 que les fameux chocolats de Noël prennent leur essor et font leur véritable entrée dans la tradition. Les chocolatiers redoublèrent alors de créativité et d'imagination. Bonbonnières de toutes formes et tailles, petits bonbons de chocolat moulés ou trempés, confectionnés à base de pralinés, de pâtes d'amandes, d'oranges confites. Aujourd'hui, le chocolat est un symbole de Noël. On l'apprécie sous toutes les formes, ballotins garnis, boîtes, bûches, moulages divers, car les chocolatiers sortent le grand jeu à cette occasion. À offrir ou à s'offrir, le chocolat ne quittera plus jamais le devant de la scène la plus gourmande de l'année. Voici quelques notes qui nous viennent d'Espagne pour Noël, Feliz Navidad, interprété par José Feliciano. Feliz Navidad, Feliz Navidad, notre découverte de la table de Noël, et cette fois-ci dans quelques pays européens. En Autriche, le pavot est à l'honneur. Les mœurs gastronomiques de l'Autriche diffèrent de celles de l'Allemagne proprement dite. Les carpes frites, les petites saucisses, le kouglopf et les flans de poire composent le menu ordinaire des réveillons viennois. Le jour de Noël, la dinde rôtie, à son défaut l'oie aux pommes, s'impose à côté du plat de nouilles gratiné avec du miel et des graines de pavot. En Bohême, la dinde est souvent remplacée par la fameuse carpe à la bière, dont certains bourgeois conservent précieusement une écaille en guise de talisman. La sauce est liée avec du pain d'épices. Partout, le pavot est à l'honneur. Les graines de pavot servent à décorer des pains en forme de croissant. On en fait aussi une espèce de bouillie mêlée d'amandes pilées, de crème de sucre et de beurre, dont on garnit des tartes n'ayant rien de parisien. On y découvrira aussi les Apfelkischle, les beignets aux pommes, la tarte de Linz ou le Christstollen, qui veut dire l'étoile du Christ, qui est un gâteau avec des fruits, notamment des raisins secs trempés dans l'alcool. Hongrie, la cuisine a ses légendes. On raconte qu'autrefois, les cavaliers magyars faisaient cuire leur viande en la posant sous leur selle. Et l'on affirme que pour mettre le paprika à la mode, il suffit à un gentilhomme nommé Gerio de demander un jour à quelques amis si le Hongrois, qui se battait contre trois Turcs et jouait à la basse avec leur tête, reculerait devant une tête de paprika. Aujourd'hui, le goulash, plat national, composé de menus morceaux de bœuf cuits avec oignons, tomates et paprika, les choux farcis, la soupe de poisson, les pâtes de farine et les gâteaux de pavot sont dans cette région de Hongrie les mets les plus recherchés pour ce temps de Noël. Un cochon de lait rôti tenant une rose entre ses lèvres et un gâteau de pavot, tels sont les plats traditionnels du dîner qui précède la messe de minuit. On attend l'office en jouant aux cartes et en croquant des noix. Puis, au retour de l'église, on éveille les enfants pour leur distribuer des bonbons et l'on achève la nuit autour d'une table ornée de charcuterie, de gibier, de desserts au pavot, de soufflets arrosés de toquets et de l'eau de vie de mare facilitant la digestion. En Suisse, c'est l'unité gastronomique qui existe le jour de Noël. En ce beau pays de Suisse, où les lois et les coutumes varient d'un canton à l'autre, où tant d'accortes maîtresses de maison vous servent naïvement comme cuisine helvétique une combinaison extravagante de mets allemands, italiens et français, l'unité gastronomique existe le jour de Noël. Partout, on mange l'oie rôtie. Au dessert apparaissent les merveilles de la pâtisserie dite suisse, dont les recettes peu variées ont été presque toutes empruntées à la cuisine bourgeoise. Entre ces délicates fantaisies, les rissoles genevoises occupent le premier rang. Une famille genevoise, patricienne, bourgeoise ou plébéienne qui oublierait de manger des rissoles le jour de Noël serait, nous a-t-on affirmé, montrée du doigt. Pour ce tour gastronomique, l'Italie, avec l'archevêque de Naples qui envoie un poisson au souverain pontife. L'Italie est un pays sobre et les voluptés de la gueule semblent avoir de tout temps occupé une place restreinte dans la célébration des fêtes religieuses. L'unité gastronomique d'ailleurs n'est point près d'être accomplie et le mets national de chaque province reste le plat de Noël. En beaucoup d'endroits, le repas traditionnel a lieu avant la messe de minuit. Il est alors maigre et se compose exclusivement de pâtes et de poissons. L'anguille est fort recherchée. On la fait griller par tronçons, enveloppée d'une feuille de laurier. Ainsi festoient les cardinaux qui reçoivent chacun de la chambre apostolique deux anguilles reposant sur un plat d'argent et des petits pains au miel et aux amandes. Il est de tradition que l'archevêque de Naples envoie un poisson au souverain pontife. Naples, du reste, est fort curieux à voir la nuit de Noël et son marché aux anguilles, surtout, mériterait à lui seul le voyage. Dans certaines régions, on réveillonne après la messe de minuit. Mortadelle, escalope et, suivant les endroits, ravioli ou macaroni font alors les frais du repas. La dinde farcie de châtaigne n'est pas dédaignée. Bien entendu, on consomme avec force chocolat, et on absorbe des quantités prodigieuses de cette brioche inférieure nommée Panneton de Milan. Et après l'Italie, parlons aussi de l'Espagne, avec Noël qui demeure l'une des fêtes les plus importantes et les plus longues de l'année. Pendant cette période, les ménagères d'ordinaire économes se procurent les denrées les plus recherchées. Les jours qui précèdent le réveillon apportent leur cortège de friandises et de liqueurs, beignets au vin, biscuits au sésame, chaussons fourrés, vin de Malaga, pour accueillir parents et amis en visite. Puis arrive la nuit de Noël et le réveillon, qui suit la messe de minuit, à laquelle les Espagnols sont attachés. Selon les régions, les spécialités varient, du classique potage aux amandes, obtenu en faisant bouillir dans du lait une purée d'amandes douces, pilée et passée au tamis, suivie de la dinde farcie et du bézougo. Dorades rôties au four, garnies de tranches de citron et d'ail haché, et revenues dans l'huile que l'on sert surtout à Madrid. Ou l'agneau rôti en estramadour, les civelles au Pays Basque, la zarzuela de pescado, qui n'est autre qu'un ragoût de poisson et de fruits de mer dont le nom évoque la fête. Au dessert, tourons et massepains rallient tous les suffrages. Ils s'accompagnent de mendiants, compotes et fruits frais. Et au Portugal, à cette époque de l'année, dans les villages, on tue le cochon. On mangera également ce jour-là des rabanadas, tranches de pain trempées dans de l'eau sucrée, puis passées à l'œuf battu et doré à la poêle. Le repas de la veillée, pris avant la messe de minuit, se compose d'un simple plat de morue accompagné de pommes de terre ou de choux. La dinde, aussi truffée que possible, et le cochon de lait rôti, entouré de boudin, se retrouvent au Portugal, où l'on sert encore des saucisses décorées de tranches de citron et des canards rôtis avec du riz. Comme friandise, vraiment nationale, on ne peut guère citer que le broas, sorte de petit pain en forme de losange, fait de farine de froment, de farine de maïs, d'huile d'olive, de sel, de sucre, de miel et d'anis. Et c'est ainsi que nous allons prendre congé pour aujourd'hui de cette savoureuse table de Noël aux quatre coins de l'Europe et dans les provinces de France pour retrouver la semaine prochaine d'autres traditions de Noël. À très bientôt sur nos ondes pour de nouveaux Noël de France et d'ailleurs. Oui, oui. Et on continue bien sûr les chansons. Voici deux morceaux portugais. On se retrouve juste après le latino. Christmas, have a happy new year. Dançar com fofa, dançar com fofa. κόσμου και ούτε σε σοφάνι. Χάστε ράστε με αφόρ και σε νόη του να τρεπεί. Πάει με νέο, πάει πίνα. Ατε ροκ, πάει νοσίδου. Κόπτο και σαν αγκώστα. Έτα κατσό του πάντου. Μέσε, μέσε, πορτουγές. Αν δεν μπορώ να τριστέσα. Έχω στούδο το παλάσο. Έχω το φρέστα πορτουγέσα. Μέσε, μέσε, πορτουγές. Αν δεν μπορώ να τριστέσα. Τότε ψέτο πάει τανσάρ. Έχω το φρέστα πορτουγέσα. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Sure.

mets ça dans la tête. Oui, oui, aïe, aïe, aïe, l'ulcère nous guette. Oui, oui, aïe, aïe, aïe, la vie, quelle pagaille. Heureusement a été inventée une méthode lue et approuvée par des grands bons des sommités. Cette méthode s'appelle méthode Coué. Tous les matins devant la glace, vous vous souriez bien en face, tout en vous musclant les zygomatiques. Vous redonnez ce petit air tonique. Youpi, la la la, la vie, c'est extra, avec du soleil dans la tête. Youpi, tra la la, la vie est une fête. Youpi, tra la la, la vie, c'est extra. Inplaçable mais au cimetière, il sera bien trop tard pour regretter de n'avoir pas suffisamment chanté. Youpi, tralala, la vie, c'est extra, avec du soleil dans la tête. Youpi, tralala, la vie est une fête. Youpi, arc-en-ciel. Voici donc les programmes pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Donc à partir de ce soir, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec l'émission Électrique Choc. Sur 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Et puis donc, suivi juste après, à partir de 9h jusqu'à midi avec Victor, Portugal, nous, Fiesta. Et puis juste après, on écoutera dans l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 16h, tout simplement avec Gloria. Bonjour, je m'appelle Alain Pennec. C'est Christine Balfa avec le groupe Balfa du jour. Bonjour, c'est Gabriel Yacoub. Bonjour, je suis Jean-Paul Corbineau du groupe Trian. C'est Denis du groupe Mes Souliers sont Rouges. Vous écoutez les traditionnels sur Radio Arc-en-Ciel Orléans. Sur Arc-en-Ciel, les musiques traditionnelles, c'est le mercredi de 18h à 19h30. Donc juste après, à partir de 19h30 jusqu'à 21h, bien vous allez retrouver Christina. Et puis donc ici pour le jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à midi avec Armel Giraud, Vaz de Portugal. Va donc on continue bien sûr avec les chansons, ainsi tout simplement les musettes, mais je vous laisse avec l'accordéon, tout simplement. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Thank you. France. Cette colombe de mystère est comme une étoile en plein jour. Sa ronde légère et familière apporte des chansons de train. Una paloma blanca qui tourne dans le soleil nous a emporté le bout du bonheur et a financé le fond de mon cœur. Elle vient caresser nos visages comme une goutte de rosée. Même si demain elle s'envole pour partir loin vers l'horizon, elle restera comme une aubaine pour protéger notre maison. Una paloma blanca qui tourne dans le soleil nous a apporté le goût du bonheur et a financé le fond de nos cœurs. Cette colombe aux plumes blanches est pour tous un signe de paix. Elle porte en elle l'espérance. Una paloma blanca, jolie comme un arc-en-ciel. Una paloma blanca, qui tourne dans le soleil, nous a emporté le bout du bonheur et a financé le fond de.

Madonna, suivi de Rigasley. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly, time goes by. So slowly. I'm not afraid of the dark. Je suis plus moi-même, pourquoi tu

Arc-en-ciel. Voici Joker, le titre Las Vegas. Secret dans ton

se cache pour s'aimer. Partout dans ce monde, en émoi, il y a trop d'amants hors la loi. De mains qui se frôlent sans rien dire. Deux hommes tout tremblants. Terminer l'émission avec un méga mix. Voilà donc, je souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, tout simplement, et puis aussi, tout simplement, on se retrouve prochainement. Voilà donc, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. I'm gonna make you mine. walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Loud, just like addiction. Now I'm hooked on you. I need some time.